Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Oussama Ben Laden. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Le président Barack Obama qui annonce aux Américains et au monde que les États-Unis ont retrouvé et abattu le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, le terroriste responsable de la mort de milliers d'innocents, rajoute le président Obama. Cette annonce survient le 2 mai 2011. Il aura fallu 10 ans aux Américains pour retrouver Oussama Ben Laden, l'homme derrière les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Goodness, now it's obvious, I think, that there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist attack of proportions that we cannot begin to imagine at this juncture. Le matin du 11 septembre 2001, c'est l'horreur à New York. Les tours jumelles du World Trade Center s'effondrent après avoir chacune été percutées par un avion commercial. Le choc est immense. Vous venez de l'entendre. Les Américains, tout comme justement cet animateur de télévision qu'on entendait, réalisent en temps réel, en direct, que leur pays est victime d'un attentat terroriste sans précédent. L'homme derrière ces attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, c'est Oussama Ben Laden. Pour en faire le portrait, la journaliste à la presse, Michel Ouimet, qui a été dépêché à de nombreuses reprises en Afghanistan, au Pakistan, des pays qui sont étroitement associés au destin d'Oussama Ben Laden. Michel Ouimet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Avant de parler de la vie, du parcours de ce personnage, Oussama Ben Laden, un mot sur ce qu'il reste de lui aujourd'hui. Dans des pays comme l'Afghanistan, comme le Pakistan, est-ce qu'il représente encore quelque chose? Je crois que oui, Ben Laden sera toujours un personnage mythique. Mais en Afghanistan, par exemple, maintenant, il y a l'État islamique. Alors, si on parle du personnage Ben Laden, mais il y a aussi son organisation Al-Qaïda. Al-Qaïda avait un peu le monopole du terrorisme, si on veut, en Afghanistan. Mais aujourd'hui, l'État islamique est présent en Afghanistan. C'est du passé? Ben Laden, Al-Qaïda, aujourd'hui? Non, je crois pas. Al-Qaïda est encore présent. Au contraire, Al-Qaïda s'est multiplié, a plusieurs foyers. C'est une nébuleuse qui est installée un peu partout, de l'Indonésie à Madrid, en Afrique aussi, si on pense à ACMI. Al-Qaïda du Maghreb islamique, ils sont un peu partout. Ouais. Ils sont aussi en Afghanistan, ils sont aussi au Pakistan. Mais ils ont maintenant une concurrence très forte avec l'État islamique qui, lui, fonctionne différemment de l'État islamique. Puis on y reviendra sur ce mouvement terroriste, ce qu'il est devenu aujourd'hui à la toute fin de l'émission. Mais revenons sur Oussama Ben Laden en situant un peu le personnage. Ce Ben Laden d'avant le 11 septembre 2001, peut-être nous dire, nous rappeler au fond, qui est-il? Alors, Ben Laden, il est né à Riyad, en Arabie saoudite, d'une famille immensément riche. Son père était un industriel qui venait du Koweït. Il avait, je ne sais plus combien de femmes, 20 femmes. Je pense qu'il est le 17e d'une fratrie de 50 enfants. Alors, c'était un homme qu'on dit assez sage, assez pieux, un wahhabiste, donc une forme extrêmement rigoureuse de l'islam sunnite. Et assez rapidement, à l'université, il fréquente les milieux islamistes et c'est un islamiste. Déjà, on voit que c'est un islamiste. Il a côtoyé la pensée des frères musulmans, par exemple. Ben, c'est plus, je dirais que c'est encore plus rigoureux, le wahhabisme, que les frères musulmans. Et ça arrive vite, donc, déjà à l'université. Oui, déjà à l'université. Oui. Donc, immensément riche. Il va en profiter, d'ailleurs, de cette fortune dans les années qui suivront. Évidemment, quand on parle de Ben Laden, on pense tout de suite à l'Afghanistan. Comment se retrouve-t-il en Afghanistan, Michel Ouimet? Alors, l'histoire de Ben Laden est vraiment très intimement liée à l'Afghanistan. Il va y aller dans les années 80. Dès le début des années 80, l'Union soviétique, à l'époque, envahit l'Afghanistan. Le Pakistan, les Américains ne veulent pas de l'Union soviétique en Afghanistan. C'est vraiment une invasion. L'Union soviétique contrôle l'Afghanistan. Alors, avec le soutien de l'Arabie saoudite, son pays natal, Ben Laden s'en va avec une armée d'Arabes, parce qu'en Afghanistan, c'est des Afghans, c'est pas des Arabes, avec une armée d'Arabes. Il s'en va là et il organise la lutte contre l'envahisseur soviétique, avec l'aide de la CIA, qui le finance, ce qui est quand même assez ironique. Il va devenir l'ennemi public numéro un. Et c'est, dans le fond, c'est un peu la CIA qui a créé ce personnage-là et les services secrets pakistanais. Donc, il s'installe à Peshawar, au Pakistan, une ville où j'ai été plusieurs fois, une ville un peu sinistre, une ville très dure, très pure, très intégriste, très islamiste. Et là, il s'installe. Et là, il y a des combattants et il crée comme une espèce de banque de données pour coordonner la lutte. Et c'est la base qui devient Al-Qaïda à la fin des années 80. C'est l'objectif de créer Al-Qaïda à la fin des années 80 pour lui, c'est quoi? Pourquoi il veut créer cette espèce d'organisation? Mais parce qu'il veut bouter dehors, il veut sortir les Soviétiques de l'Afghanistan. Et il travaille avec ça, avec le Mollah Omar, qui va devenir le chef des talibans. Donc, on les appelle, tous ceux qui combattent les Russes en Afghanistan, on les appelle les Moudjahidines. Et Ben Laden fait partie des Moudjahidines. Quand les Soviétiques vont se retirer en 1989, Ben Laden va retourner en Arabie Saoudite. Mmh. Et là, il va, comment on pourrait dire, un peu spécialisé, il va faire des camps d'entraînement terroristes, il va organiser, structurer davantage les camps d'entraînement et former son armée. Il va retourner en Afghanistan en 1996. Ouais. Pourquoi, juste un mot encore sur cette guerre aux Soviétiques qu'il va mener en Afghanistan, pourquoi veut-il à ce point que l'Union soviétique se retire du pays? Mais ils veulent pas de... Il y a personne qui veut les Soviétiques. D'ailleurs, quand j'étais en Afghanistan, c'est incroyable à quel point les Russes sont détestés encore. Alors, parce que ça serait l'hégémonie soviétique sur cette partie-là du monde et ils n'en voulaient pas. Alors, Ben Laden a combattu aux côtés du Pakistan. Et c'est ça, ce qui est vraiment ironique, c'est que la CIA a financé. Donc, la CIA, un peu, si on veut, créer le monstre. Mmh. Créer un monstre, créer Ben Laden. On ne veut pas d'occupants dans ce pays-là, d'abord non, et avant tout. On ne voulait pas. D'ailleurs, il n'y a personne qui a été capable d'occuper l'Afghanistan. Ouais. L'Inde, les Britanniques se sont cassés les dents, les Russes se sont cassés les dents, les Américains, la coalition internationale s'est cassé les dents aussi sur ce pays-là. Donc, ce pays qui est quand même assez stratégique, là, au milieu de l'Asie centrale. Mm-hmm. Donc, on ne voulait pas des Soviétiques. Et Ben Laden les a combattus. Et il a combattu aux côtés du Mollah Omar, qui devient le chef des talibans. Ouais. D'où les liens extrêmement serrés entre Ben Laden et le Mollah Omar, le chef des talibans. Qui vont se confirmer à son retour en 1996. Mais un petit mot sur cette période un peu folle où, vous le disiez, donc, il quitte l'Afghanistan, il va se promener énormément. De 1989 à 1996, là, vraiment, il va revenir en Arabie Saoudite, vous en avez parlé. Il va ensuite aller au Soudan, revenir en Afghanistan en 1996. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce mouvement? Alors, il organise sa base, il organise Al-Qaïda, il organise le groupe terroriste. Lui, il veut combattre les Américains, les impies, il en fait le démon américain, il en fait une obsession. Mm-hmm. Alors, parce que sa religion, le wahhabisme, est contre le modèle occidental qui est représenté par le grand Satan, les Américains. Et il va tourner le dos à l'Arabie saoudite au moment de la guerre du Golfe. En fait, il y a cette espèce de collaboration de l'Arabie saoudite avec les États-Unis. Il y a une base américaine qui... on permettra aux Américains de profiter d'une base en Arabie saoudite. Ça va être le coup fatal. Ben Laden va proposer au roi saoudien de le débarrasser des Américains. Le roi va refuser. Alors, Ben Laden ne se gênera pas pour critiquer l'Arabie saoudite, le gouvernement, et c'est là que le gouvernement saoudien va lui enlever le déchoir de sa nationalité saoudienne et va lui enlever son passeport. C'est pour ça qu'il va aller s'installer au Soudan. Mais au Soudan aussi, il va se brouiller, je ne sais pas trop pourquoi, et là, il va décider de s'en aller en Afghanistan à 1996, au moment où les talibans se battent contre les anciens moudjahidines pour contrôler l'Afghanistan. Parce qu'il y a une guerre civile en Afghanistan. Ouais. Et de fait, ils vont réussir leur coup. Ce sera le début du régime taliban, un régime que vous allez connaître. Vous allez aller en Afghanistan à ce moment-là. Il devient très, très proche, vous l'évoquez, mais vraiment très proche des talibans et de leur chef, le Mollah Omar. Alors, il y a des liens très complexes qui unissent. Premièrement, le Mollah Omar, en 94, il ne contrôle que la ville du sud, le sud Kandahar. Ensuite, il se bat contre les anciens moudjahidines, qui sont des seigneurs de la guerre, pour le contrôle de l'Afghanistan. Donc, il y a une guerre civile entre les anciens moudjahidines, qui sont divisés en je ne sais pas combien de seigneurs de la guerre, qui contrôlent chacun son territoire, et les talibans. Alors, lui, Ben Laden, il va arriver avec son armée d'à peu près 6 000 Arabes. Il va aider Omar, le Mollah Omar et les talibans à contrôler à peu près 90 % du territoire. Puis il va l'aider aussi dans sa lutte contre le dernier Moudjahidine, si on veut qu'il lui livre vraiment une lutte serrée, c'est le commandant Massoud qui va être assassiné d'ailleurs à la veille du 11 septembre 2001. Alors Ben Laden s'installe en Afghanistan et les liens avec le Mollah Omar, Ben Laden aurait épousé une de ses filles. Une fille de Ben Laden aurait épousé le Mollah Omar. C'est Ben Laden qui aurait fait construire la villa un peu en banlieue de Kandahar, qui est vraiment la ville là, des talibans, dans le sud de l'Afghanistan. Le Mollah Omar a besoin de Ben Laden, a besoin de son argent, a besoin de son armée pour rester au pouvoir, parce que le commandant Massoud continue à le combattre. Donc vraiment, en 2001, quand il va y avoir l'attaque et que les Américains vont demander au Mollah Omar livrez-nous Ben Laden, le Mollah Omar va résister, pas seulement par fidélité, mais s'il livre Ben Laden, les milieux islamistes vont arrêter de donner de l'argent et des armes au Mollah Omar. Donc, pour rester au pouvoir, il n'y a pas le choix. Son destin, si vous voulez, est lié à celui de Ben Laden. Ouais. Alors, il est donc avec le Mollah Omar en Afghanistan à compter de 1996. Vers la fin des années 90, autour de 98, il va commanditer, en fait, en 98, les attentats contre les ambassades américaines de Dar es Salaam en Tanzanie et de Nairobi au Kenya. Des attentats qui vont faire plus de 200 morts. On écoute un extrait d'un reportage de Céline Galipo, puis on revient tout de suite ensemble en parler ensuite, Michel Wimel. Il continue de creuser, sans relâche. Des équipes de secouristes, parmi lesquelles des Israéliens, des Américains et quelques Français venus aider les Kenyans. Quant aux Américains tués dans l'attentat, leurs corps ont été rapatriés ce matin en présence de l'ambassadrice des États-Unis, elle-même blessée dans l'attaque. Pendant que les agents du FBI commençaient leur enquête à Nairobi, plusieurs suspects étaient arrêtés à Dar es Salaam, en Tanzanie, où l'ambassade des États-Unis a également été visée. Leur principal commanditaire serait cet homme, un multimillionnaire d'origine saoudienne, Oussama Ben Laden, surnommé le banquier de la guerre sainte. Un ancien de la guerre d'Afghanistan, aujourd'hui réfugié chez les talibans, qui aurait juré de débarrasser l'Arabie des impies que sont pour lui les soldats américains. Interviewé il y a 2 mois, il prédisait un jour noir pour les États-Unis. Les États-Unis quitteront la terre d'islam en ramassant les corps de leurs enfants pour les ramener chez eux. Ah, c'est vraiment, Michel Ouimet, ces deux attaques, elles sont fondamentales dans la dynamique entre Ben Laden et les Américains. On voit à quel point, dans le reportage de Céline Galipo, il veut la peau de ces impies, comme il les appelle, les Américains. Et à partir de ce moment-là, très clairement, il devient, pour Washington, une cible à abattre aussi. Ben Absolument. Laden. Alors, lui, il veut la peau des Américains, mais les Américains veulent Ben Laden aussi. Alors, en 2001, ça n'a pas été long avant que tout... Bon, Ben Laden a revendiqué l'attentat, mais les Américains se sont vite doutés que c'était Ben Laden. Nous, les citoyens ordinaires, on était étonnés. On se dit, qui est Ben Laden? C'est quoi Al-Qaïda? Mais les Américains le savaient depuis longtemps, à cause, entre autres, des attentats meurtriers des ambassades en Tanzanie ou au Kenya. Alors, les Américains avaient Ben Laden dans la mire. Ouais. Et puis, évidemment, le 11 septembre, ça va être un vrai coup de tonnerre pour le monde entier, parce que, souvenez-vous quand même, l'un des plus forts symboles des États-Unis, de New York, s'effondre. En revenant de déjeuner, je vois un avion passer dans le ciel vraiment très bas et je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et en arrivant à la chambre d'hôtel, je constate à la télévision que l'avion avait percuté le World Trade Center. Alors mon caméraman André Grégoire et moi, on a marché avec caméra sur le dos et on essayait de s'approcher le plus possible. On était sur Broadway lorsque la première tour est tombée et là, ça a été le choc. Écoutez, de voir ce qui est un symbole de New York, n'est-ce pas? Sur toutes les cartes postales où on voit Manhattan, il y a ces deux tours qui apparaissent. Et aujourd'hui, elles ne sont plus là. D'un coup, deux tours qui disparaissent comme un château de cartes. Alors, c'est le journaliste Claude Deschênes, donc, qui est à New York le fameux matin du 11 septembre qu'on entendait. 3000 morts, on connaît cette histoire horrible. Une violence extraordinaire dans ces images qu'on voit, Michel Ouimet. Les gens vont s'en souvenir, ces deux avions commerciaux qui heurtent les tours du World Trade Center. Vous le disiez, les Américains savaient que Ben Laden les avait dans sa mire. Quand est-ce qu'on sait quand il commence à planifier ça? En tout cas, ce qu'il veut faire avec ce coup du 11 septembre? Bien, après avoir... c'est sûr qu'il y a une gradation là, dans l'horreur. Mais les Américains ont été attaqués 2 fois seulement sur leur territoire, si on veut. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu Pearl Harbor. Oui. Alors, en 1941, je crois, quand les Japonais avaient... Oui. Et c'est ce qui a provoqué l'entrée en guerre des Américains. Il y a eu une guerre civile au milieu des années, au milieu du 19e siècle, mais sinon, ils n'ont jamais été attaqués sur leur territoire. Alors, que veut Ben Laden? Ben Laden, il veut affaiblir, humilier les Américains. C'est clair. Pour lui, c'est son but. Et toute sa vie sera tourné vers ce but-là. Mais il faut voir de l'autre côté. On dit, mon Dieu, c'est horrible, 3900. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, quand on va au Pakistan et qu'on regarde, et moi, parce que je suis partie au Pakistan dès le lendemain du 11 septembre, je devais aller en Afghanistan, mais c'est impossible parce que les talibans avaient verrouillé le pays. Mm-hmm. Les Américains bombardaient l'Afghanistan parce qu'ils voulaient avoir Ben Laden. Ah, c'était étonnant de voir le point de vue des Pakistanais. Les Pakistanais étaient contre l'intervention américaine. Ils étaient scandalisés de voir la toute puissante Amérique bombarder un pays aussi pauvre que l'Afghanistan. Oui. Eux, ils disaient, et nous, et les morts afghans, et les morts pakistanais, est-ce que vous les voyez? Vous vous scandalisez parce que ce sont des Occidentaux. Il y en a 3000 qui sont morts. Mais nous, on a eu combien de victimes? Donc, c'est un renversement complet de vision du monde quand j'étais au Pakistan. Il est perçu comment à ce moment-là? Vous êtes au Pakistan, à cette époque-là, Ben Laden? C'est un héros. J'avais été au bazar. Le bazar, c'est très, très puissant. Des hommes, le cœur d'une ville, là, c'est vraiment son bazar. C'est des hommes extrêmement riches. Et dans le bazar, ça bruissait. Les gens disaient que Ben Laden était un héros, mais c'est très contradictoire. Ils disaient Ben Laden est un héros. Puis à peine 20% croyaient que Ben Laden était responsable du 11 septembre. La moitié, selon les sondages, la moitié des Pakistanais croyaient que c'était les Israéliens, que c'était un complot juif. Donc, ça se contredit. Mais les gens trouvaient que Ben Laden, c'est un héros. Mmh. Il avait humilié les Américains. Et pour eux, c'était quelque chose, parce qu'il faut dire que le Pakistan a souvent été sous la botte des Américains. Et 10 ans plus tard, quand Ben Laden sera abattu, je suis retournée au Pakistan, à Abbottabad, où il avait été abattu. Et là, Ben Laden n'était plus du tout un héros. Les gens à qui j'ai parlé disaient, bon débarras, on s'est débarrassé de Ben Laden. Parce qu'il leur avait causé, finalement... Il a foutu le bordel au Pakistan. Oui. Il a foutu le bordel, parce que là, les Américains ont bombardé la zone tribale qui est au nord du Pakistan pour pouvoir, justement, retrouver Ben Laden, parce qu'on croyait qu'il se réfugiait dans cette zone tribale-là ou dans les grottes, là, les montagnes qui séparent le Pakistan de l'Afghanistan. Ils ont vraiment foutu le bordel dans ce pays. Alors, les Pakistanais étaient ulcérés. Ils ont dit, bon débarras, Ben Laden est mort. À la suite du 11 septembre, c'est la guerre. L'Afghanistan est bombardé. On le disait, ils veulent retrouver Ben Laden le plus vite possible, les Américains. Le régime s'effondre comme un château de cartes, le régime taliban, en quelques semaines. En un mois, c'est fini. Avez-vous été étonné de ça? Non, je n'ai pas été étonné. Bon, évidemment, oui, quand on voit un régime qu'on croyait tout puissant, qui s'écroule, quand même, les talibans étaient là depuis 1996. En 1996, j'avais été... en Afghanistan, sous les talibans. Et j'avais été étonnée de voir à quel point c'était pauvre. Il n'y avait rien. Il fallait que j'aille au ministère de l'Information pour aller chercher un permis de je ne sais pas quoi, parce que le mollah que je rencontrais, à genoux, sur un tapis, il n'y avait pas de meubles, c'était pas chauffé, c'était en décembre, il faisait froid, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de table, il n'y avait rien. Il y avait un immense dénuement. Il ne faut pas oublier que l'Afghanistan avait connu des années et des années de guerre. Les rues n'étaient pas pavées, il n'y avait pratiquement pas d'électricité. Régime très, très faible. Oui, puis toute l'élite afghane avait fui le pays à cause des talibans et à cause de la guerre civile. Donc, ce n'est pas étonnant que le régime se soit écroulé comme un château de cartes. Ils vont quand même mettre 10 ans, les Américains, pour retrouver Ben Laden. Ça semble complètement invraisemblable quand on pense aux moyens qu'a ce pays-là en termes de ressources militaires, en termes de ressources sur le plan du renseignement. Ça frôle vraiment... c'est très, très difficile à expliquer. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, un extrait de reportage de Sophie Langlois en mars 2006. À ce moment-là, ça ne fait que 4 ans. À peu près quatre ans après les attentats de 2001. Et les Américains, George Bush, sont désespérés. Comprennent déjà pas pourquoi on l'a pas retrouvé. Finding an enemy and bringing them to justice so they don't hurt our fellow citizens again. Vous êtes ici pour trouver l'ennemi et le traduire en justice, dit le président aux militaires américains. La question n'est pas de savoir si nous allons le capturer, mais quand. It said wanted dead or alive. All I want, America wants him brought to justice. Mort ou vivant, on veut le traduire en justice au plus vite, disait le président au lendemain des attentats. Mais 4 ans et demi plus tard, les Américains ne comprennent pas que la plus puissante armée et le plus gros service de renseignement du monde soient incapables d'arrêter Oussama Ben Laden. Oui, c'est vrai, la question se pose, que la technologie américaine devrait le trouver, mais il paraît qu'Al-Qaïda connaît cette technologie et a pris une décision de ne pas livrer Ben Laden. Selon les spécialistes d'Al-Qaïda, Ben Laden n'est pas en fuite. Il vit depuis 4 ans dans le Waziristan, au nord du Pakistan, une vaste région où vivent plusieurs tribus fondamentalistes qui sont pour lui un formidable rempart. Si sa décision est de ne pas bouger, de ne pas se faire prendre et d'avoir un contact avec 1 ou 2 ou 3 personnes et qui, eux, pourraient distribuer cette information à son état-major, donc il pourrait rester là pour beaucoup d'années jusqu'à ce que quelqu'un, un bodyguard, quelqu'un qui l'accompagne, fait une faute. Alors, Michel Ouimet, c'est fascinant. 4 ans et demi après les attentats du 11 septembre 2001, on ne comprend déjà pas pourquoi on ne l'a pas trouvé. Ça va prendre 10 ans. C'est une éternité. Pourquoi ce sera si long? Ben, c'est pas étonnant. Hein. Je veux dire, le Pakistan, c'est un pays de 170 millions d'habitants. L'Afghanistan, 25 millions. C'est des pays extrêmement complexes. C'est des pays en ébullition perpétuelle. L'Afghanistan et le Pakistan sont des pays profondément corrompus, gangrénés. Et les Américains, ils peuvent quand même pas... c'est pas leur pays. Là. Il faut qu'ils fassent attention quand même. Et c'est drôle parce que Ben Laden n'était pas dans le Waziristan, la fameuse zone tribale dont je vous parlais que les Américains bombardaient. Il était, au contraire, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Islamabad, dans la ville d'Abbottabad, une ville très... où j'ai été très... quand même assez riche, où sont formés tous les soldats pakistanais. C'est le West Point des Pakistanais. Et Ben Laden était là, dans une villa qui a coûté au moins 1 million, avec un système de sécurité hallucinant. Alors, comment a-t-il pu rester là pendant de 2005 à 2011, jusqu'à ce qu'on l'abatte, sans que les Pakistanais le sachent? Est-ce que les Pakistanais le savaient? On ne sait pas. On ne connaît pas ce bout-là de l'histoire, mais c'est quand même étonnant. Et c'est en mai 2011 qu'il y aura cette fameuse opération. Comment ça va se passer? Les Américains, d'ailleurs, vont procéder sans jamais avertir les Pakistanais. Non, ils n'ont pas confiance dans le Pakistan. Ils ont peut-être raison parce qu'ils pensent que Ben Laden a probablement des gens qui vont lui dire « Les Américains te cherchent » et ils vont perdre sa piste. Bush a dit « On va le traduire en justice ». Ce n'est pas ça du tout qui est arrivé. Il y a un commando qui a été sous le radar, donc qui a violé l'espace aérien du Pakistan à 1h du matin. Ils sont arrivés dans la villa de Ben Laden. Ils ont monté les marches, c'est les Navy SEALs. Ils l'ont abattu d'une balle dans la tête. Il n'était pas armé, il n'y avait pas de gilet d'explosif. Il était avec sa femme et ses enfants, donc c'est un assassinat pur et simple. Ils avaient décidé qu'ils l'abattaient. Donc la traduire en justice, oui en 2005, non en 2011. Michel Ouimet, journaliste à La Presse, merci infiniment de votre participation. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Sylvain Brunet. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.